Bonjour madame, bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, nous voudrions visiter le Mont Saint-Michel. Oui, alors bon, voici notre brochure. Pour le Mont Saint-Michel, nous avons une excursion d'une journée. Le départ est à 7h30 et le retour vers 20h. Et le tarif? Alors, vous avez le transport en car, la visite avec un guide et le déjeuner. Tout compris, ça vous fait 107 € par personne. Bon, il y a encore de la place pour samedi prochain? Oh, bien sûr. Pour combien de personnes? Nous deux. Oui. C'est à quel nom? Jarlier. Alors, 214 €, s'il vous plaît. Tenez. Et le car part d'où? D'ici, de l'agence. Bon, merci. Au revoir, madame. Au revoir.